medo até ó. Oh Money Drummer, Oh Money Drummer. This is a Mr. Drum Player, Mr. Donut Team, Donato. Se Donut Team, né? Ça a changé de son, non? C'est pas mal comme ça. Électronique. Et l'électronique. Non, Donna, tu veux pas racheter ma Roland? Je la vends pas cher. Je te fais un prix d'ami. Je te vends une Roland TD6 KX à prix d'ami. Allez, frais de port offert. Non, c'est le bourreau. Écoutez un petit peu parce que je repars au travail après. Oui. Tout le monde ne fait pas le bon en France. I must go to work and I listened for 10 minutes the Ninja Jam and after I go to work hard to get a lot of money to play and buy instruments. Tu veux pas ma batterie, Donna? Allez, elle est belle, c'est des peaux maillées et tout. Putain, presque pas sérieux. J'ai vendu ma Yamaha. Le monsieur était très content. Bon, si tu connais quelqu'un qui va acheter une batterie, je la vends parce que je m'en sers plus. Sur ce, je vous écoute.